Moi, je pense que on est d'un laxisme incompréhensible en matière d'immigration au Québec. D'abord, premièrement, les seuils, là. On en accueille trop. Je sais qu'on va m'accuser d'islamophobie, là, en disant ça, mais on en accueille trop. Compte tenu de notre société de 7 millions d'habitants, toute proportion gardée, on en accueille plus d'immigrants que les États-Unis d'Amérique. On est vraiment dans des seuils très élevés. Il faut rabaisser les seuils. Je sais que la CAQ a déjà proposé cela. Faut se questionner sur les seuils d'immigration. Oui, oui. 55 000 par année, là, c'est trop, à mon sens, pour nous. Et il y a peut-être aussi une job à faire pour répartir ceux qu'on accueille. Parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'en région, il y a des pénuries de main-d'œuvre partout. Excellent. On point. A de la misère à trouver des gens pour travailler. Mais la plupart des immigrants arrivent à Montréal et restent à Montréal. Il y aurait peut-être aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est là qu'à ce moment-là se constituent des ghettos. Des ghettos. Oui, c'est sûr, mais c'est pas facile, là. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, là. Ouais. Envoyer en région des immigrants. Je vous assure que c'est une bonne idée parce que les immigrants qui arrivent, mettons, à Alma, où je demeure, là, qui arrivent à Alma, qui est une communauté, presque à 100% francophone, blanche. Francophone de souche, comme exact. On dit. C'est évident que ces immigrants-là, s'ils demeurent, s'ils s'établissent avec leur famille, s'ils y travaillent, ils vont devenir des Québécois quasiment pur laine. En tout cas, peut-être pas eux, mais leurs enfants, oui. Totalement, absolument. Certainement leurs enfants. Oui. Alors oui, il y a un effort à faire de ce côté-là, mais il y a un effort aussi à faire. Donc au niveau des seuils, mais il y a un effort à faire, une interrogation à faire également sur les critères. Sur les critères. Est-ce qu'on a trop versé dans l'obsession du français? C'est pour ça qu'on a choisi les Maghrébins en bonne partie. J'ai longtemps pensé que c'était un critère extraordinaire, le français. C'en est un toujours. Mais je pense maintenant, et depuis un bon moment, qu'il ne faut pas en faire un critère unique. C'est pas parce que quelqu'un parle français qu'il va avoir qu'il va être capable et en mesure de s'intégrer facilement dans la société québécoise. Est-ce qu'il devrait avoir plus de points? OK, je vous pose la question, puis Jean-François Lisée avait déjà fait un commentaire à cet effet-là, je crois que c'est l'année passée. Est-ce qu'un Bordelais pauvre, ou je dis Bordelais, là, ça peut être quelqu'un de n'importe quel pays de la francophonie, qui est pauvre, qui sans vraiment compétence, qui parle français, est-ce que lui, on devrait lui donner plus de points qu'un Chinois qui parle pas français, mais qui a 500 000 piastres dans ses poches? Qui a le plus de points entre les deux? Oui, mais moi, je n'irais pas uniquement sur ce critère-là de la fortune ou de la capacité. C'est sûr que la capacité s'intégrer dans l'économie, donc les talents, puis les compétences, ça doit compter. Ben parce oui. que si on l'accueille ici, puis qu'il s'inscrit à l'aide sociale, puis qu'il demeure... Pendant des années, on n'a pas vraiment fait un bon choix, là. Hein? On s'entend là-dessus. Exact. Mais donc, oui, c'est sûr que l'intégration dans l'économie, il faut regarder ça. Oui. Via les compétences, forcément, ou s'il est en mesure en plus d'investir, bon. Mais il y a aussi le fait qu'il faut s'interroger sur les convictions. Exact. Sur les valeurs de la personne qu'on accueille. Il y a un immigrant qui est venu ici en studio. Et qu'en même temps, en termes de valeurs, de convictions, c'est un islamiste pur et dur. Je pense pas qu'on fait un bon choix. On fait pas de gros examens, hein? Le Québec à l'extérieur, le Canada pas avec vraiment, son examen un peu, oui, peut-être. Il faut maintenant y songer, là. Exact. Est-ce que et faire des enquêtes approfondies sur les valeurs du futur immigrant. Est-ce qu'il est convaincu qu'entre l'homme et la femme, il y a égalité? Je donne ça comme exemple. Ouais, mais lui peut dire est-ce oui. Est-ce qu'il est convaincu que la liberté de religion dans une société occidentale, ça veut dire aussi le droit d'être athée, le droit de changer de religion? Est-ce qu'il est convaincu de ça? La liberté, c'est un des fondements, on en parlait tout à l'heure, c'est un des fondements de la civilisation occidentale. Absolument. Si l'immigrant, le candidat immigrant, n'est pas convaincu que l'homme est libre, n'est pas convaincu que la liberté est une valeur fondamentale, Je pense qu'il va falloir être prudent avant de l'accueillir. Dans le fond, ce que vous dites à Hamza Chaoui, c'est d'aller se faire voir ailleurs. Ce gars-là n'a pas d'affaires au Québec. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est à ce moment-là, mais c'est au moment de l'entrée qu'il va falloir faire ce prix-là. Exact. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de l'islamophobie? Moi, je pense pas. Je pense qu'on vit dans une société occidentale ayant des valeurs solides, oui. bien connues, bien affichées, qu'on retrouve dans des chartes. Ben, si vous voulez venir ici puis que vous reniez, vous êtes absolument opposé farouchement à toutes ces valeurs, ben oui, vous n'avez pas d'affaire ici. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ça a le mérite d'être clair, puis... Je vous dirais que je suis pas en désaccord parce que avec là, vous. Actuellement, c'est sûr qu'on ne se mettra pas à expulser les musulmans qui c'est vivent pas ça au le Québec, point. Là. Vous avez jamais dit ça. C'est pas ça le point. C'est ça l'idée. C'est de contrôler à l'entrée les immigrants. Plus attentif aux immigrants qui rentrent. Parce que moi, je pense qu'il faut éviter que... tout est dans la proportion. Hein. Comment ça se fait que ça va mal en Europe? C'est que la proportion de musulmans est rendue à un point tel... qu'ils en arrivent à être convaincus qu'ils peuvent changer la nature même de la civilisation et du pays dans lequel ils vivent. Merci beaucoup, M. Brassard. Passez une belle semaine. Au revoir.